Du jamais vu chez Delbo Automobile et jusqu'à la fin du mois seulement. À l'achat d'un modèle 2018 en inventaire, nous payons les 12 premiers mois de votre financement. Vous avez bien entendu, un an de paiement à nos frais à l'achat d'un Chevrolet Silverado 2018, d'un GMC Sierra 2018, d'un Buick Enclave 2018 ou encore d'un GMC Acadia 2018 en inventaire lors d'un financement de 96 mois. Nous avons encore 11 unités disponibles. Venez faire un essai routier chez Delbo Auto, votre concessionnaire Chevrolet Buick GMC. On va parler avec Will Boivin du FM 93 à Québec. Les Raptors de Toronto et les Leafs de Toronto vont jouer ce soir. J'imagine que ça doit être hallucinant d'être un partisan de sport à Toronto. On en parle avec Will Boivin. Salut Will! Hey, salut Danny. Will, t'étais au match des Raptors la semaine passée, le lendemain t'es allé au match des Leafs. Premièrement, est-ce que t'as eu beaucoup de difficultés à trouver des billets? Ben écoute, non, ça n'a pas été trop compliqué. Faut dire quand même, moi, Danny, mercredi pour le match des Maple Leafs, qui était le quatrième de la série contre les Bruins, j'ai eu la chance d'avoir une accréditation média pour assister au match. Donc, j'ai eu la chance d'aller au point de presse des entraîneurs, aller prendre des commentaires de Patrice Bergeron après le match et tout ça. Mais pour la rencontre des Raptors, qui était la deuxième de la série face au Magic d'Orlando, j'ai vécu le trip d'un partisan, Danny, dans les estrades avec un de mes amis qui vivait la première expérience basketball de la NBA. Puis, ça n'a pas été trop compliqué de se chercher des billets, Danny. Par contre, il faut les débourser. C'est sûr qu'en série éliminatoire, les billets sont beaucoup plus chers. Je te dirais que c'est plus abordable d'aller aux Raptors que d'aller aux Maple Leafs. Aller aux Maple Leafs, Danny, pour la série face aux Bruins, là, t'avais rien en bas de 300$. Mais là, on parle que tu es dans les hauteurs de l'aréna. Oui, mais sur le parcours du plancher à Toronto, les billets se vendent quoi? Ça doit être un 1500-2000$ du billet? Ah, facile. Hein? Si on parle exactement, on parle un peu des chaises qu'ils rajoutent pour le match de basketball, puisqu'on rajoute bien sûr un plancher de basket sur la patinoire, on rajoute un gros tapis sur la patinoire, mais on a une configuration un peu différente que le hockey, donc effectivement, on rajoute des chaises assez luxueuses, merci, parce que justement, Danny, c'est pas en bas de 1000$ ces billets-là. Puis c'est plein, autant les Raptors que les Maple Leafs. Puis je te dirais qu'il y a quasiment un peu plus d'ambiance et une ferveur un peu plus présente pour les Raptors que les Maple Leafs à Toronto, du moins de ce que j'ai vécu la semaine dernière. OK, pourquoi? Parce que la crowd est plus jeune? Parce qu'il faut dire que la crowd est pas mal, c'est très différent. Hein? Une crowd de basketball puis une crowd de hockey, c'est beaucoup plus jeune le basket, là. Très bon point, Danny. T'as mis un peu le doigt sur le bobo. Tu sais, c'est vraiment une clientèle différente, basket et hockey. Je sais, ici au Québec, on a un peu moins la culture basket. On suit un peu moins les activités de la NBA. Mais sérieusement, moi, s'il y a un sport qui me fascine à chaque fois que j'assiste à un événement sur place, j'aime beaucoup le football de la NFL. C'est plaisant de vivre un tailgate et tout ça. Mais le basketball de la NBA, Danny, c'est vraiment intéressant à suivre sur place. Écoute, c'est vraiment différent qu'une ambiance d'hockey. Premièrement, il y a plusieurs occasions de célébrer. Tu sais, il y a des deux points, des trois points. Tu sais, c'est pas un match qui se termine 1-0 où les gardiens ont été exceptionnels, où la seule occasion de se lever dans l'aréna, c'est pour célébrer un but marqué par une équipe d'hockey. Au basket, c'est totalement différent. On célèbre pour les deux, les trois points. Il y a de la musique à peu près tout le long du match, avec des chants qu'on crie pour l'offensive ou la défensive. C'est vraiment intéressant, c'est une ambiance différente, puis très jeune également. C'est-à-dire que la clientèle, c'est environ de 20 à 35 ans dans les estrades, c'est des gens très présents sur les réseaux sociaux, donc sans le vouloir, ils font de la publicité pour les Raptors. C'est des gens qui ont un petit verre dans le nez, donc sont un peu plus bruyants, sont présents durant le match. Tu sais, ça arrive souvent d'années, et même surtout pour les Maple Leafs à Toronto, c'est des hommes d'affaires qui sont dans les loges. Puis la plupart du temps, sur le téléphone, on regarde un petit peu ce qui se passe sur la patinoire, mais on n'est pas vraiment partie prenante du match. Au basket, c'est vraiment différent. Puis c'est sûr, les Raptors ont une bonne équipe. Ils ont des chances de se rendre très loin cette année, peut-être même de remporter les championnats. On se croise les doigts. Mais je te dirais, Danny, là, que la ville puis les partisans de sport à Toronto sont un peu plus derrière les Raptors en ce moment que les Maple Leafs. Mais je veux pas te dire que les Raptors sont plus populaires que les Leafs. Il n'y a rien qui accote les Maple Leafs de Toronto. Comme à Montréal, il n'y a rien qui accote le Canadien. c'est la tradition, c'est le hockey, c'est tout le monde a déjà une histoire d'un parent ou quelqu'un qui a déjà pris pour les Maple Leafs, qui a vu la dernière contre les Leafs en 67, mais la clientèle est différente, puis elle est beaucoup plus présente et bruyante au match de basket. Donc je vous le suggère sérieusement, puis je sais que c'est pas un des sports les plus connus et les plus aimés au Québec, mais c'est vraiment intéressant à voir ça. Ah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Dis-moi, dans les médias, écoute, ce matin, là, ça te donne, c'est 5 ans, ça doit être, t'as-tu vu la page Pontipice du Toronto Sun que j'ai mis sur mon Facebook? Oui. C'est 50-50. Est-ce que c'est 50-50 également dans les médias? C'est quoi, là, est-ce que les... De ce que tu as pu voir, les lignes ouvertes, les émissions de... Parce que là, j'imagine que ça doit être un peu particulier. Oui, oui, écoute, et puis... surtout que les deux équipes ont quand même une très bonne formation. Ça fait longtemps que les Leafs et les Raptors, on parle de pouvoir faire un long parcours en série le même printemps. Alors, c'est sûr qu'on en parle beaucoup. Je te dirais que dans les médias, par contre, Danny, les Maple Leafs sont beaucoup plus présents que les Raptors. Okay. Peut-être qu'on doit vendre un peu plus. Tu sais, les Raptors, justement, c'est une clientèle plus jeune, comme je t'expliquais. On va faire davantage des publicités sur les réseaux sociaux, dans les bars sportifs, ces événements-là. Ouais. Tandis que dans les bons vieux journaux traditionnels, à la radio de Sportsnet, à la radio de TSN, on parle davantage des Maple Leafs. Okay. Et je te dirais, Danny, que les médias et même les partisans pour avoir discuté... avec plusieurs partisans sportifs torontois, on est très, très, très sévère avec les Maple Leafs. On demande des résultats immédiats, on a des attentes très élevées, on est conscient qu'on a une bonne équipe, mais on se voit peut-être un peu plus gros qu'on est en réalité. Plusieurs partisans des Leafs me disaient qu'ils ont une meilleure formation que le Lightning de Tampa Bay. Ça, bien sûr, c'est un peu drôle de dire ça présentement. Le Lightning est en vacances, puis les Leafs vont jouer un match numéro 7. Mais quand même, on a des attentes très élevées. On trouve que l'équipe est à maturité. L'ajout de John Tavares a comme démontré aux partisans des Leafs qu'on y croit pour les prochaines années, puis qu'on vise non seulement une participation en série, mais la Coupe Stanley. Et là, Danny, si on perd ce soir, encore une fois, contre les Bruins de Boston, je te le dis, ça va japper fort à Toronto. Les partisans sont très déçus déjà de la série contre les Bruins qui se pousse jusqu'en 7. On demande même la tête de Mike Babcock. Ça, c'est pas surprenant, ça. On l'avait dit. Oui, exactement. Il y a des grosses attentes, donc on doit avoir des résultats chez les Mais je suis très surpris de ce que tu me dis là, parce que les Raptors, écoute, les Raptors avec... ça fait 3-4 ans que ça va pas bien. D'ailleurs, Dwayne Casey, l'an passé, c'est pas pour rien que Dwayne Casey a perdu son poste, parce que l'entraîneur de l'année, puis il se fait balayer par les Cavaliers. On va chercher Kawhi Leonard. Il est joueur autonome. On sait qu'il y a une pression supplémentaire. Je suis un peu surpris de ce que tu me dis là. T'sais, les Raptors, s'ils passent pas, ça va être. On recommence là, définitivement, tandis que les Leafs. Les Leafs, l'année prochaine, vont être encore là, même si on est à côté sur le cap. C'est un bon point que tu dis là, puis les gens à Toronto... Tu sais ce que tu me dis là, pareil? Ben, ils ne semblent pas vraiment le réaliser. Puis c'est vrai que les Raptors, ils sont un peu all-in cette année. C'est pas le choix. Kawhi Leonard pourrait quitter, l'équipe est vieillissante. C'est tout le contraire avec les Leafs. T'as quand même un bon jeune noyau en devenir. Puis c'est sûr qu'il va falloir signer tout ce beau monde-là, mais quand même, l'avenir est quand même rose chez les Maple Leafs. Mais on dirait, Danny, que d'avoir changé justement l'entraîneur Dwayne Casey, d'avoir sorti de Mar de Rosen, maintenant c'est clairement l'équipe à Kawhi Leonard et même à des Pascal Siakam, des Serge Ibaka et compagnie. On semble avoir sorti justement un peu les joueurs ou les dirigeants qu'on avait étiquetés comme chokeux dans la dernière année. Puis là, on fait partie d'un nouveau groupe chez les partisans, les Raptors, avec Kawhi Leonard qui s'est mis en marche, entre autres, au match numéro 2 où j'étais présent. Puis depuis ce temps-là, il marque en moyenne 30 points par match. Donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que les Raptors, écoute, moi, quand je suis allé au match numéro 2, ils venaient de perdre la première rencontre contre le Magic, là. Je peux te dire qu'il y avait plusieurs partisans qui étaient déçus, puis ils se posaient la question, on va-tu encore choquer cette année, puis on va-tu encore perdre en première ou en deuxième ronde, comme ça a été le cas dans les dernières années. Mais du moins, on semble plus confiant, je te dirais, avec les Raptors, que les Maple Leafs, du moins, c'est ce que j'ai constaté. OK. Dans les villes, on sait que quand les Canadiens font les séries, s'ils jouent, tu sais, veut dire, il y a des fagnons partout du Canadien. À Toronto, est-ce que tu as vu des fagnons sur les voitures? Est-ce qu'il y a plus de fagnons des Raptors, des Leafs? Ou c'est pas mal partagé de ce que tu as vu, là, puis d'un bar sportif? C'est pas mal partagé, je te dirais. On voit beaucoup de choses à l'effigie des Leafs, la feuille d'érable, le bleu des Maple Leafs. On voit beaucoup également le ballon de basket graffiné par les griffes de dinosaures, le logo des Raptors, le logo We the North également, le slogan qu'on a lancé chez les Raptors il y a quelques années. Un slogan extraordinaire qu'on voit beaucoup à Toronto. Ça regroupe justement pas seulement la région de l'Ontario ou la région de Toronto. On veut regrouper tout le monde au Canada. Nous sommes le Nord, We the North, la seule équipe canadienne. Mais oui, j'ai vu beaucoup, beaucoup de choses, soit des Maple Leafs ou des Raptors. Je te dirais que c'est pas mal 50-50. Okay. Il y a également beaucoup d'ambiance, Danny, lors des fameux rassemblements. Oui, c'est ça que je vais te parler. Est-ce qu'il y a deux rassemblements différents? Qu'est-ce qui se passe? On le voit à la télévision, ça doit être au centre-ville, ce qu'on voit à la télévision. Là. Est-ce que c'est un centre-ville? Il y a un rassemblement pour les Raptors? Y a-t-il un rassemblement pour les Leafs différemment? Parce que ce soir... OK, les Raptors sont à Toronto, mais les Leafs sont à Boston. Comment ça va se passer? C'est-tu deux rassemblements différents? Exact. Ben écoute, c'est une bonne question. Le rassemblement qu'on voit à la télévision, Danny, autant lors des matchs des Leafs que des Raptors, c'est vraiment en avant de l'amphithéâtre du Scotiabank Arena. On a un gros écran qu'on a placé là. On fait un rassemblement. Il y a environ de 3 à 4 000 personnes qui peuvent rentrer là, Danny. Puis si t'es pas dans la file, je te dirais à 3-4 heures l'après-midi, là, oublie ça, essayer de rentrer à l'heure du match, là, ça va déjà être rempli. J'ai constaté vendredi dernier, il y avait un match des Leafs à Boston et les Raptors jouaient également le quatrième match de leur série face au Magic d'Orlando. Ils sont carrément séparés en deux, Danny, le rassemblement. Il y avait un côté, c'était rouge, il y avait un autre côté, c'était bleu. On a placé deux écrans pour l'occasion. On visionnait le match des Leafs on visionnait le match des Raptors. Puis à un moment donné, la gang se mixait. Parce que si les Leafs comptaient un but, ben les gens des Raptors criaient également avec ceux des Leafs. Et vice-versa, ça donnait une ambiance assez incroyable. Merci, Danny. Puis, tu sais, pour les fans de sport que nous sommes, pour les gens qui sont à l'écoute, et j'ai vécu quelque chose. Puis d'avoir une ville qui vit autant avec leur équipe sportive, là. Ça fait différent de Montréal. Ça fait deux semaines et demie que la saison finit. Puis dans les shows de sport, on parle encore de Marc Bergevin s'il devait faire un offre hostile. Hein. Ça fait très différent, hein? c'est complètement du même baratin qu'on a ici dans le coin. Hey, les Jays sont pas là pantoute, hein, j'imagine. Ah, ils sont pas là, Danny. Puis j'en ai parlé avec des fans de sport, justement. Puis, si vous continuez à suivre les Jays, puis bon, je sais que l'équipe est pas garde sur le terrain, mais tu sais, l'avenir est rose, il y a Vlad Junior, les Béchettes et compagnie. Puis les gens semblent s'être désistés des Blue Jays, Danny. Tu sais, quand ça rend le monde indifférent, tu comprends? Les gens sont même pas frustrés, sont même pas déçus, ça les rend indifférents. Et j'ai peur pour les Blue Jays. Ils ont ce qu'ils méritent à quelque part. Juste avoir de la manière qu'ils gèrent Vladimir Guerrero, le cas Vladimir, ça ferait au moins un an qu'il devrait être dans les majeurs. Puis là, tout le monde sait pourquoi il n'est pas dans les majeurs, parce qu'il y a une technicalité administrative. Mais là, il est là, puis c'est passé cette date-là. Là, pourquoi tu ne l'emmènes pas? Puis la Division S est all-in cette année, puis on semble dormir sur la Switch encore. C'est incroyable. Je suis pas surpris de ce que tu me dis là. Les gens sont tannés, puis aimeraient ça avoir leur petit bonbon, puis leur petite raison de se rendre au Rogers Center, c'est d'aller voir les jeunes, d'aller voir un Vlad Junior. Je sais que tu as marqué sur ta page Facebook cette semaine, Danny, que je pense que les gens à Toronto, la réaction des médias, c'est qu'ils se sentent un peu laissés pour compte, puis laissés négligés par les dirigeants actuels des Blue Jays, Ross Atkins, Shapiro et compagnie. C'est carrément ça. C'est pas un message d'espoir en disant « Venez nous encourager, on sera pas bon, mais on est en reconstruction. » C'est même pas ça. C'est, il y a aucun signe envoyé vers les fans. Puis comme je te dis, les fans sont même pas déçus, sont pas tristes, sont indifférents. Ça commence à être dangereux, ça. C'est dangereux. Quand tu es indifférent, c'est dangereux, ça. C'est très dangereux. Hey Will, très, très intéressant. Tu y retournes-tu à Toronto? Est-ce que si les Raptors, tu sais que t'es plus basket, un petit peu cloqué même de ça, mais si t'as-tu l'intention de retourner si les Raptors atteignent la deuxième ou troisième ronde? Ben écoute, quand j'ai quitté Toronto, puis j'ai vu que les Raptors pourraient faire un bon bout de chemin, là, j'ai l'impression que je vais y retourner. Si j'ai la chance d'y aller soit en finale de conférence ou en grande finale de la NBA contre les puissants Warriors de Golden State, là, je vais essayer d'être là, Danny, pour qu'on s'en reparle assurément. Effectivement. Will, un gros merci. On s'en reparle prochainement. Du FM 93. Merci à toi, Danny. Du FM 93, Will Boivin.